C'est toi qui as fait. Mais non, c'est pas moi. J'ai jamais été auteur de BD. C'est qui? C'est peut-être Yanis. C'est Ibn al-Rabin. Ah, bien sûr. Ibn al-Rabin national. Qu'on l'embrasse et qui doit certainement faire partie des 7 personnes qui nous écoutent en ce moment. Ah oui? Penses-tu? Ben oui, je crois qu'il attendait avec impatience qu'on lise, sa page. Qu'on le cite, qu'on lise sa page. Eh voilà. Bien, c'est sauce faite. Voilà, et il pourra le réécouter encore en récap, ainsi que les autres. Et puis voilà, si jamais vous avez une dédicace sonore à nous envoyer à Radio Pell, 079-261-3346. On manque de dédicaces. On manque de dédicaces, les amis. Terriblement. Craving for dédicaces, please. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas l'heure, Jeanne, êtes-vous ready? I'm ready. Ok, ok. Parce que c'est le moment de la... Le jack, ou... Il va me falloir le jack, okay. Tout à fait. C'est le moment de la capsule de Jeanne, qui fait des capsules chaque jour de plus en plus intéressantes. Non mais j'aime trop, en vrai, c'est super format, je voulais te dire bravo. Merci. Je suis ravie de faire cette radio avec vous, vous êtes vraiment des gens admirables. Moi aussi, je vous aime trop. Comment on va faire après le festival? Non mais on était en train de faire des déclarations d'amour et tu as tout du tout cassé. Non mais c'est l'émotion, moi j'assume pas. J'ai du mal radiophoniquement. Trop d'émotions, c'est pas mon truc. Les émos, c'est pas mon créneau. Oui. Ok, donc Radio Pell, on le rappelle, tu la kiffes, tu l'appelles. 079, quoi ? 079 261 33 46, indicatif. Et plus 41 devant, wow. Parce que pour les gens qui n'ont pas de carte SIM suisse, c'est à vous. Et ce n'est pas une excuse pour ne pas nous envoyer de dédicace. Le micro 5 est ouvert. Salut, bonjour Tom. Bonjour. Je veux bien le petit mini jack, Emma, s'il te plaît, merci beaucoup. On va le... Ah voilà, super. Donc aujourd'hui, en fait, alors je vais vous raconter le contexte, l'histoire en fait de cette capsule qui va en fait parler de synesthésie. Alors d'abord, je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ce thème. Depuis que j'écoute tous ces concerts à Archipel, là toutes les semaines, j'ai peut-être écouté 15 concerts. Et en fait, à chaque fois, le son me met dans un certain état en fait. Et du coup, parfois j'ai des images, des visions, des sensations. Mais il y a surtout un truc qui se passe dans ma tête, et c'est souvent ce qui se passe quand j'aime vraiment bien un concert. J'ai des images, je pars complètement, je suis plus du tout dans cette salle. Donc bon, c'est un petit peu loin de la synesthésie, mais en même temps, il y a un sens. Oui, ça va, on est dans le thème. Merci Emma de me rassurer. Et super. Du coup, ce matin, en fait, je parlais avec Tom, du coup, mon ami Tom, qui nous vient tout droit de Marseille, qui a travaillé à Genève pendant un temps, qui est passionné de musique électronique. Donc, salut Tom. Salut. Donc, c'est un grand digger, c'est un super pote, c'est un super humain, quoi. Et en fait, il a acheté hier à la librairie de Vincent, toujours la même, cette super librairie d'Archipel, il a acheté un disque, voilà, il m'en parlait ce matin, et en fait, il y a un gros rapport avec la synesthésie. Alors, je vais peut-être juste vous donner une petite définition de qu'est-ce que la synesthésie avant de me lancer dans ce tunnel, en fait. Mais la synesthésie, d'après Google, est un phénomène neurologique non pathologique où plusieurs sens s'associent, comme percevoir des couleurs en écoutant de la musique, audition colorée. Ces expériences sensorielles croisées sont automatiques et constantes chez les personnes synesthètes, le terme provenant du grec pour union des sens. Voilà, c'est super. Bon, en tout cas, c'est le fait, en tout cas, de percevoir des sons, des couleurs en écoutant du son. Et Tom a acheté un disque sur la Dream Machine. Exactement. Donc, un disque ? Un disque, oui, c'est ça, sur la Dream Machine. Et en fait... Donc c'est un disque du Hafler Trio, donc ils sont trois, mais en vrai c'est un duo composé de Andrew Mackenzie et Chris Watson. Le troisième membre est un personnage fictif qu'on nomme Dr. Edward Molenbeek. Le trio s'est formé en 1980, mais la date de sortie de ce projet qui s'appelle Present Brilliance Gissin Dream Machine est sortie en 1987 sur cassette. Et moi, je veux savoir, Tom, pourquoi en fait t'as acheté ce disque ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce disque ? De façon très spontanée, tu vois. Enfin... Je connaissais la Dream Machine via William S. Burroughs, qui en fait l'a rendue populaire à travers des interviews. Et en fait, je trouvais ça assez incroyable de réussir à trouver des visions qui se ramènent aux psychédéliques sans aucune substance. Qui altère réellement la conscience et que d'un phénomène physique on puisse partir. Et comment ça fonctionne, cette Dream Machine? Est-ce qu'on peut la décrire? Alors la Dream Machine, c'est un tube C'est un tube qui est posé sur une... Enfin, les premières expérimentations, c'était sur une platine vinyle 78 tours. C'est fait vraiment pour une platine 78 tours par minute. Et il y a une petite ampoule au milieu de ce tube. Le tube a des motifs précis, on ne peut pas mettre n'importe quel motif. Et en fait, la rotation va amener à cet état de conscience. Ça met à peu près 15 minutes à arriver en fermant les yeux. Et donc je crois que, enfin, de ce que je comprends, c'est que Andrew McKenzie, qui a rencontré Brian Jesin à travers plusieurs, il traînait, je crois, dans du vernissage. Non, ils se sont rencontrés et ils ont monté ce truc-là ensemble, si je dis pas de bêtises. Et donc on ferme les yeux et puis qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce qu'on se dit il y a une ampoule, il y a des formes qui sont ouvertes, mais en fermant les yeux. Oui, parce que le tube est percé et l'ampoule, voilà, je crois que l'intensité lumineuse est assez forte et passe à travers ces trous ça génère, parce que c'est vrai que je crois que j'ai déjà essayé une fois, mais effectivement je pense que c'était pas une platine 78 tours, ou alors c'est moi qui ai pas eu la patience d'attendre 15 minutes, ce qui est fort probable en fait, c'est peut-être plutôt ça. Après je crois que la plupart des gens qui l'ont essayé ils ont quand même été assez déçus, mais il faut prendre vraiment du temps en fait, c'est quand même assez léger comme... mais, moi, personnellement, je ne l'ai jamais essayé. J'ai voulu en fabriquer une, mais j'avais d'autres projets à faire. Et donc, on se concentre sur les variations lumineuses qui vont taper les paupières et puis... Exactement. Voilà. Et pour en revenir à ce que disait Jeanne, moi, personnellement, je vois pas de... Quand je ferme les yeux pendant un concert, je ne vois rien. Et en fait, cette machine, je la trouve assez intéressante pour justement pouvoir réussir à voir, entre guillemets, de la musique. Et... Et justement, on va pouvoir écouter du coup un bout de cet album donc, que tu as acheté hier. Oui. Cet album en fait qui est composé pour la Dream Machine, c'est ça ? C'est une chanson qui est faite pour aller avec la Dream Machine. Et du coup, on va l'écouter tout de suite. C'est Tom du coup qui nous a sélectionné un petit passage. Voilà. Donc je le répète, c'est The Hafler Trio and the Temple. Bon, j'arrive pas. The Hafler Trio. Voilà, donc c'est parti, let's go. Donc j'espère que là vous êtes en train de triper, hein, sans substance. Non mais pour compléter en fait, dans ce disque, dans cette pochette vinyle, il y avait aussi un petit livret avec donc plein d'extraits, des textes, etc. Notamment avec une interview de je ne sais plus qui, mais je crois que je le dis là sur mon enregistrement. Ah, il l'a trouvé en français. Bah tu veux le lire en français, Tom ? Donc c'est de qui juste ? C'est Andrew McKenzie qui l'a écrit. Bah écoute, on peut lire peut-être l'extrait en même temps, ça peut nous faire un magnifique petit mix. J'ai eu un déchaînement transcendantal de vision colorée aujourd'hui, dans le bus, en allant à Marseille. Nous roulions sur une longue avenue bordée d'arbres, et je fermais les yeux dans le soleil couchant, quand un flot irrésistible de dessins, de couleurs surnaturelles, d'une intense luminosité, explosa derrière mes paupières. Un kaléidoscope multidimensionnel, tourbillonnant à travers l'espace. Je fus balayé hors du temps. Je me trouvais dans un monde infini. La vision cessa brusquement quand nous quittâmes les arbres. Bah écoutez, c'est magnifique, merci. Et je tiens à dire que je me suis trompé. C'est Brian Jesin qui a écrit ça, pas Andrew McKenzie. Y'a pas de soucis. Et voilà, ouais, c'était magnifique. C'est vrai que là, ça me parle plus, parce qu'en fait, ça fait vraiment... Enfin, ça fait référence à des expériences qu'on a peut-être vécues, en fait. Enfin, ce truc de voyager, d'avoir cette lumière qui frappe au travers des arbres et on ferme les yeux, mais on a vraiment une expérience assez intense. Ouais, puis qu'il y a le processus de vraiment d'auto-hypnose, quoi, en fait. Et on, parce que des fois, il y a aussi toute une croyance sur l'hypnose, comme quoi c'est quelque chose vraiment d'assez auquel c'est assez difficile d'accéder si on n'est pas initié, si on n'a pas la bonne technique, etc. Puis alors qu'en fait, c'est aussi quelque chose qu'on peut expérimenter très facilement, bah voilà, quand on est dans des transports en commun, dans le train, et de juste de se laisser porter par le paysage. Et enfin, c'est exactement ça. Du coup, ouais, peut-être la Dream Machine, c'est un peu une espèce de, si on n'a pas la possibilité de prendre le train, on peut un peu observer ça pour se mettre dans ces états de transe, quoi. Enfin, après, voilà, pardon. Je continue. Oui, votre... Si on rate son train, on peut enclencher la Dream Machine. On peut aller à Bongo Joe mettre un tube sur la... Pardon, on est en train de troller, oui, votre capsule. Non. Ah non, mais pas du tout. C'est... Mais je voulais juste, voilà, comme à la grande habitude de ces capsules, du coup, journalières, rappeler que donc, j'ai demandé à Vincent de me filer un livre en lien avec cette thématique pour aller plus loin, parce qu'on ne voit pas hyper loin là-dedans. Voilà. Bref. Donc, le livre s'appelle Cymatics de Hans Jenny. Voilà, et je vous conseille vivement d'aller même le consulter, le regarder. C'est un très beau bouquin. On pourrait l'appeler la Bible. Non, mais il est juste très gros, avec beaucoup d'images et beaucoup de textes, et ça a l'air trop intéressant et très poussé surtout. Donc, je vous invite vraiment à venir le consulter si ce sujet vous intéresse. Et c'est juste parce que toi, tu disais que tu n'avais pas de... Moi, ça m'intéresse trop, ce truc de comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans notre mental quand on écoute de la musique ou quand on en joue, quoi. Et puis, c'est vrai que ben, moi, je serais vraiment assez curieux de savoir... comment vous vivez, vous, individuellement, ces genres de moments-là, ou enfin, quel genre d'images est-ce qui apparaissent? Est-ce que c'est des choses très définies, pas définies? Est-ce que c'est des, plutôt des mots? Enfin, voilà, moi, je sais que ça va être plutôt des espèces d'informations d'ouverture, fermeture, des ombres, mais il n'y a pas de couleur, il n'y a pas directement d'image non plus définie. Enfin, je vais peut-être plutôt faire partie des gens à fantaisie, comme on dit, mais ça a l'air d'être ton cas. Ouais. Et du coup, toi, c'est vraiment, par contre, c'est noir, enfin, il n'y a pas de... Oui, j'ai pas de vision qui se crée concrètement avec la musique. Moi, en fait, c'est surtout du sensoriel, physique. C'est comme ça aussi que j'aborde la musique à ma façon. C'est vraiment trouver de la matière qui va me mettre en fait dans cet état. J'ai découvert en fait ce premier état avec un concert de Vincent Géhanneau. Je me rendais pas compte en fait que je pouvais être dans un état comme ça. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans ce monde un peu des musiques qui pour moi sont transcendantales, mais du coup ça me va très bien, mais c'est complètement noir. Mais des synesthésies, en fait, il peut y en avoir de beaucoup de types différents. Ça peut être des associations d'un sens avec un autre, comme justement ce qu'on dit, l'audition avec le visuel, ou l'olfaction, ou le goût. Mais ça peut aussi être, par exemple, certaines représentations qui sont liées à des être des concepts ou des éléments clés de la vie avec des formes de visualisation particulières. Par exemple, ben moi j'ai une synesthésie qui est liée à la représentation du temps, où quand je parle de temps, j'ai vraiment une image avec une sorte de représentation graphique que j'ai dans l'esprit qui revient en fait tout le temps. Et il y a plein de synesthésies qui sont un peu plus complexe ou un peu plus éloigné de cette association d'un sens à un autre. Donc parfois, quand on écoute de la musique, on n'a peut-être pas forcément une sensation visuelle comme, je ne sais pas, voir du rouge ou voir du bleu ou du vert, ce que certaines personnes ont réellement, mais ça peut aussi faire émerger des images un peu plus complexes. Et puis, on va identifier une synesthésie à partir du moment où ces formes, elles reviennent, en fait. Où c'est pas juste à ce concert j'ai cru entendre une panthère, et puis parce qu'on parle toujours de la panthère, mais ça, voilà, à cet autre concert j'ai vu un chat, mais quand il y a certaines formes qui vont revenir, et puis il y a quelque chose d'assez mystérieux, parce que ça peut être en partie induit par des formes culturelles ou des choses qu'on acquiert, mais il y a aussi quelque chose qui peut venir de très loin, voire d'être un peu inné, en fait. Enfin, qui sont des choses qui sont difficiles à expliquer. Et très personnelles. Oui, alors oui, tout à fait. Après, parce que même dans les associations, par exemple, de couleurs, de sons, ou je ne sais pas, par exemple, avec les chiffres, il y a vraiment quelque chose qui... Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment propre à chaque personne. Donc, par exemple, si toi, tu associes les sons aigus à la couleur verte, ce n'est pas dit que Jeanne n'associe pas ces mêmes sons à la couleur bleue. Donc, bien sûr. Il y a même des compositions qui ont été faites comme ça pour des ensembles. C'est uniquement des lignes de couleurs pour indiquer à des ensembles en improvisation, ce qui est assez chouette. Pas facile. Mmh. Ben voilà. Merci. Ah ouais, d'accord. Mais vous, il se passe quoi dans votre tête quand vous écoutez toi, Jeanne, la musique ? Il se passe quoi dans ta tête ? Parce que toi, t'as dit que t'as des images, mais du coup, ça serait de quel genre ? C'est des choses, c'est figuratif, abstrait, coloré C'est très... là, j'avoue, j'ai un peu du mal à dire... En fait, évidemment, c'est des moments où je perds complètement conscience du fait que je suis en train de partir dans ma tête, donc de penser complètement à autre chose, d'être dans un autre espace-temps, d'être même dans un truc d'organisation. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que je vais penser à des trucs que j'ai envie de faire ou que je veux faire et je vais avoir des idées lumineuses. Non, mais je vais trouver des solutions à des problèmes de trucs. Enfin, par exemple, pour une créa ou une pièce où je dois genre performer ou tu vois. Bah, en fait, je vais penser, mais oui, en fait, je vais faire ça. Et en fait, je me projette complètement dans un truc futur, en tout cas, que je vais faire. Et j'ai l'impression que souvent, c'est ça qui se passe quand je vais être dans des états un peu... des états seconds, en fait, liés à l'écoute de musique, mais vraiment l'écoute de musique en live. Moi, ça me fait pas vraiment ça quand j'écoute du son chez moi ou dans mes... Peut-être dans mon casque, ouais, mais... Enfin, moi, j'ai vraiment cette expérience de façon assez forte, en fait, quand je vais écouter un concert. Et souvent, quand j'aime le concert, en fait, je pars complètement et justement, je trouve des solutions à certains problèmes. Et du coup, c'est hyper chouette, quoi. Et c'est vrai que c'est une fois après avoir pensé à tout le truc que je reviens, et je conscientise, en fait, que je suis partie. Mais c'est pas un truc que je conscientise sur le coup, donc c'est assez bizarre. Je conscientise après, une fois que je suis partie, je fais, oh putain, je viens de penser à ça, là, faut que je le note, faut que j'en fasse un truc. Mais voilà, et après, il doit y avoir d'autres choses, mais je me souviens pas de tout. Mais ça, c'est un des éléments, en tout cas, que la musique live me fait, quoi. Okay. Donc, voilà. Et toi, Emma ? Ah ouais, moi c'est un peu ce que je disais avant, plutôt des trucs de... parce que je l'ai dit, mais c'est pas grave. Mais j'ai aussi ce truc, non mais j'ai aussi ce truc de genre, ça me fait un effet de rangement comme ça, où ça range un peu les trucs. Voilà, je crois que c'est, on a des types de cerveaux un peu épicés qui font que des fois il faut ranger, la musique peut aider. Mais toi Antoine, tu es... par exemple ? Oui, moi le rangement ça me parle, parfois moyennement, mais oui ça me parle, mais... Moi, j'ai aussi une représentation peut-être un peu plus de topographie, comme ça, comme si je voyais un peu des paysages avec des hauteurs. Et puis après, je peux aussi, dans certaines musiques, avoir des sensations corporelles assez fortes, mais qui ne sont pas forcément toujours très agréables. Et puis paradoxalement, ce qui peut induire chez moi, par exemple, du dégoût ou un truc vraiment très fort, négatif, c'est parfois des musiques qui sont plutôt hyper harmonieuse, ou enfin j'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi, mais je peux avoir ce genre de sensation. C'est vrai que t'as un dégoût pour les tierces et les quintes, non, les assemblages de harmonique tierce quinte, je crois. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais oui, enfin il y a des choses comme ça qui se passent, qui bon après peut-être sont liées à l'histoire aussi, les moments où on a entendu ces musiques. Mais voilà, et sans plus attendre, on va écouter une de ses chansons. Non, non. Quoi ? Non, mais sans plus attendre, Jeanne.